deuxième partie du premier chapitre. 29 février. À minuit, nous avons jeté l'ancre en rade d'Aden. Je me suis réveillée dès 4 heures du matin par des hurlements paraissant sortir de gosiers d'animaux. Je monte sur le pont. Notre paquebot est entouré d'une flottille de légers troncs d'arbres creusés en forme de pirogue et montés par de jeunes sauvages de différents formats mais succinctement vêtus, criant à tue-tête « à la mer, bakchich, bakchich !» Nous leur jetons quelques pièces blanches. Aussitôt, toutes ces grenouilles humaines bondissent et plongent furieusement. Après une courte lutte sous-marine, les vainqueurs ressortent, leur butin entre les dents. Chacun remonte avec une adresse merveilleuse dans son sabot et recommence. Quant aux requins, aucun n'y fait attention. Six grands diables, à peu près nus, nous conduisent à terre en quelques coups de rame. Aden, capitale de la désolation, est bâtie de chaque côté d'un colossal rocher volcanico-granitique sur lequel il ne pleut en général que tous les 3 ans. Cependant, sur certaines parties de ces rochers édentés, nous remarquons comme un léger duvet verdâtre. On nous explique qu'il vient de pleuvoir il y a 2 jours. Quelques herbes se sont donc avisées de sortir de terre. Combien elles doivent s'en repentir, car sans nos casques, nous serions déjà cuits et il n'est que 7 heures du matin. Comme Port Saïd, Aden se compose de 2 villes bien distinctes. Au bord de la mer, la ville européenne Steamers Point, qui est surtout un important dépôt de charbon. Et de l'autre côté du rocher, au sommet duquel les Anglais ont planté leur citadelle, la ville noire. Nous prenons place dans une ossature de calèche. Note, les parties en cuir, sauf celles supérieures, sont supprimées dans les voitures à Aden à cause de la chaleur. Fin de note. À cette calèche est attaché un fantôme de cheval barbe. Un automédon couleur d'acajou nous conduit. En route pour la ville noire. En moins de 20 minutes, nous atteignons la forteresse anglaise, vrai nid d'aigle habité par des corbeaux sikhs qui nous portent les armes. Note, soldats hindous du nord-ouest. Amritsar est leur capitale. Fin de note. Nous redescendons entre 2 murailles de granit et la ville indigène se déroule à nos pieds. Le long de la route, aussi fréquentée qu'un boulevard de grande ville, nous rencontrons des spécimens de toutes les races qui peuplent l'Asie et l'Afrique. Abyssins, Somalis, Soudanais, Hindous, Parsis, Arabes, Juifs, etc. Les uns sont superbement drapés dans des péplums de cotonnades blanches bordées de rouge ou dans des pagnes de couleurs éclatantes. Les autres nus, comme les athlètes antiques, marchent fièrement, les reins cambrés, tandis que de robustes arabes, suivis de leurs smalas, poussent gravement devant eux des ânes et des chameaux chargés de négrillons. Nous remarquons que la plupart des noirs d'Aden s'enduisent les cheveux de chaux, ce qui donne à leur toison crépue une couleur rousse ou blonde qui nous étonnerait si les Françaises ne nous avaient pas accoutumés à ce genre de travestissement capillaire. Nous croisons également des femmes de toutes nuances surchargées de bracelets et de bijoux. Quelques-unes portent gracieusement des amphores ou des cruches, d'autres de lourds fardeaux et des outres ruisselantes, ce qui n'empêche pas celles qui sont mères d'avoir leur progéniture sur le dos ou à cheval sur une hanche. Toutes marchent merveilleusement, à demi vêtues d'étoffes multicolores ou simplement enveloppées dans une pièce de calicot blanc. Seules les femmes somalis, abondamment pourvues par dame nature de tout ce qui leur est nécessaire pour s'asseoir, ont une façon de dandiner leur excès de tournure que nous trouvons choquante, sans calembour. On a toujours envie de commander halte au 2e rang et repos au 1er, car l'un vaut l'autre au point de vue du capitonnage. La ville noire est très bien tenue. les Anglais, toujours pratiques, savent utiliser le fouet des noirs policiers pour faire exécuter leur ordonnance. Et ils ont raison. Pas de boîtes à ordures. Les aigles, les vautours, les milans se chargent des détails de la voirie. Les maisons sont, comme presque toutes les demeures orientales, des cubes de pierre blanchis à la chaux et surmontés d'une terrasse. Enfin, toute une population multicolore babille, fume, pâture, dort et travaille, même sans trop de bruit, sous ce climat torride. C'est un vrai kaléidoscope humain très attachant. Pourquoi faut-il que l'éternel et agaçant refrain « Bakshi Saheb, Bakshi Saheb » vienne gâter notre plaisir ? Note, traduction extra libre. Un petit sou, excellence. Fin de note. Au lieu de la puanteur de Port Saïd, nous respirons une odeur d'encens et de houka qui nous permet de voir de plus près et d'étudier sur le vif cette étrange population. Note. Pipe en coco. Fin de note. Les danseuses d'Aden ont une réputation universelle. Il nous était donc indispensable de vérifier par nous-mêmes l'exactitude de cette assertion. En conséquence, le Somali, qui nous sert de guide, nous conduit sur notre demande chez ces brunes almées. Nous sommes reçus avec une joie non dissimulée par une belle arabe, directrice de ce pensionnat semi-chorégraphique. Elle nous installe avec beaucoup de déférence sur des sofas relativement confortables et nous produit un lot de jeunes abyssines, soudanaises, arabes et indiennes, jolies, propres, bien vêtues, mais fleurant terriblement l'encens et la menthe. Comme il fait une chaleur excessive, ces dames s'empressent de nous éventer à qui mieux mieux, tout en nous racontant une série de fort jolies choses sans doute. L'une d'entre elles m'offre même une tige de menthe que je plante à mon casque. Mais nous ne sommes pas venus pour cela. Nous tâchons de leur faire comprendre, par une mimique savante, que ce sont des danseuses que nous voulons. Elles se méprennent évidemment sur nos gestes et deviennent de plus en plus aimables. Nous tenons bon. Il nous faut des danseuses, nous voulons des danseuses, n'en fut-il plus à Aden ? La directrice a enfin compris, mais elle désire auparavant que nous offrions à ses pensionnaires la raque de l'amitié. Note, sorte d'eau de vie de palmier. Fin de note. Nous y consentons. Un vieil arabe fait circuler ce 3-6 indien en se confondant en salut toutes les fois qu'il passe devant nos seigneuries. Nous lui jetons quelques annas, il se prosterne et s'enfuit. La maîtresse de séance elle-même se retire, non sans avoir fait ses conditions. Et en avant le balai. Trois des noires beautés enlèvent immédiatement leurs innombrables colliers et bracelets, se dépouillent entièrement de leurs vêtements et nous apparaissent comme trois statues de bronze. La plus jeune a 13 ans à peine. Elle est indienne, c'est la plus belle, sans contredit. La finesse de ses attaches est inouïe. Ses yeux sont splendides, son profil est irréprochable et le satin vieillant de sa peau fait merveilleusement ressortir ses dents éblouissantes et ses lèvres de pourpre. Les deux autres, un peu plus âgées, sont également très belles. L'une est couleur de fumée et a les traits réguliers. L'autre est fortement bronzée. Son nez aplati et ses lèvres lipues nous la font reconnaître pour une soudanaise. Pour être franc, je dois dire que nous n'avons pas été aussi enthousiasmés des talents chorégraphiques de ces noires ballerines que de la beauté de leur forme. Leur danse n'est qu'un préliminaire, surtout expressif, un prologue érotique. En tout cas, nous avions vu ce que nous désirions voir, et tandis que ces dames remettent leurs colifichets, nous regagnons notre véhicule et le Steamer's Point, où notre déjeuner nous attend à l'hôtel de l'univers, tenu par un Français. Pendant que nous prenons notre café sous la véranda, nos compagnons de route se débarrassent des juifs à rouflaquettes en tire-bouchons qui nous obsèdent en les faisant rosser par des négrillons. la police, attirée par le bruit d'écho reçu, donne naturellement tort aux Juifs et les bâtonne à son tour. Après quelques achats, nous remontons en voiture et nous retournons courageusement à Aden visiter les citernes. Ces immenses réservoirs fournissent aux habitants de ce pays, maudits par Saint-Médard, l'eau nécessaire pour abreuver leurs troupeaux. Quant aux indigènes et aux Européens, ils ne boivent que de l'eau distillée ou bouillie. Ces citernes situées à l'extrémité sud de la ville sont adossées à un cirque de rochers formant entonnoir. Leur origine remonte à la conquête romaine. Les Portugais ont continué l'œuvre des Latins et les Anglais l'ont achevée. Il faut qu'il pleuve au moins tous les 3 ans pour que les citernes ne soient pas complètement à sec. Notre automédon nous ramène à Steamers Point par la voie qui, passant sous un tunnel, conduit aux cantonnements anglais. Au sortir de la ville, nous croisons une interminable caravane de chameaux chargés d'ivoire, de plumes, de tapis et d'autres produits de l'intérieur. Sur les bords de la route, fourmillant d'êtres humains bariolés, je remarque une abyssine à hausse col d'argent et aux noirs cheveux tressés, faisant ses ablutions sans déposer l'enfant qu'elle porte sur le dos. Des Juifs chassieux nous harcèlent pour nous vendre des plumes d'autruche et de la poudre d'or. Des négrillons nous offrent, avec une ténacité sans pareille, de petites racines qui leur servent à polir et à repolir leurs dents de jeunes chiens. Un riche commerçant hindou, vautré dans sa calèche, nous salue avec obséquiosité et, au milieu de ce fouillis bruyant, de ce brouhaha incroyable et sous ce soleil de plomb, 3 soldats anglais, raides, corrects et silencieux, passent irréprochablement alignés. Après une tournée dans les bazars de la ville européenne, tenue en général par des Parsis, nous remontons à bord du Natal, dont les vergues et les cordages disparaissent sous des chapelets d'oiseaux de proie de toutes sortes. Note: hindou d'origine persane. Fin de note. Il est bien entendu que les négrillons amphibies n'ont pas quitté leur poste et qu'ils plongent de plus belle. À 6 heures, nous levons l'ancre. 1er mars, Nil Novi. 2 mars, pendant la nuit, nous avons doublé le cap Gardafui. À 9h30, nous sommes par le travers de l'île Socotora. La mer devient houleuse. Je n'ai plus de secret pour l'océan Indien. 3 mars. Que d'eau! Que d'eau! Que d'eau! 4 mars. Nous naviguons au milieu de myriades de poissons volants. Les uns sont verdâtres et gros comme des sardines. Les autres, mi-partis verts et violets, sont de la grosseur d'un hareng. Ces curieux vertébrés ne s'élèvent guère qu'à quelques centimètres au-dessus de l'eau. Ils franchissent néanmoins des distances qui varient entre 50 et 200 mètres quand ils ne se cognent pas maladroitement contre une vague. Tout en paraissant, je fais cette remarque que l'immensité des mers est une phrase fort belle mais inapplicable à l'océan Indien, car grâce à l'excessive humidité de l'atmosphère, la vue ne s'étend guère qu'à 6 000 au plus. Souvent même, on se croit dans une cuvette d'eau chaude et la concavité du globe vient plutôt à l'esprit que sa convexité. 5 mars. Encore des poissons volants. Toujours des poissons volants. La chaleur augmente outre mesure. 6 mars. À 10h du matin, nous arrivons par le travers de l'île Minicoy de l'archipel des Maldives. Un phare récemment construit élève sa tête vierge encore, au-dessus des cocotiers verts. C'est tout ce que nous pouvons distinguer. 7 mars. Pendant la matinée, nous sommes environnés à plusieurs reprises de bonites, dont les sauts prodigieux et burlesques obtiennent un vrai succès d'hilarité. Note: gros poisson du genre des scombres. Fin de note. C'est à croire qu'on a payé cette troupe nautique pour nous offrir une représentation moderne du triomphe de Neptune. À la tombée de la nuit, apparaît un point brillant sur une immense tache noire. C'est Ceylan et le feu de Colombo. De gros nuages sombres planent, immobiles au-dessus de l'île, que de sanglants éclairs embrasent par moments. On dirait comme d'un lointain combat, et ce spectacle est si grandiose que le commandant Didier nous invite à venir le contempler du haut de sa passerelle où notre café est servi. Depuis 20 minutes, le Natal a ralenti considérablement sa marche. L'orage s'est calmé, l'obscurité est complète. Une lueur confuse, bientôt transformée en un semis de diamants, nous indique l'emplacement de la cité cingalaise. Ça et là, devant nous, des feux glissent dans la nuit, semblables à des lucioles, tandis que d'autres scintillent sur place. C'est la rade. Cependant, nous avançons toujours. Tout à coup, au milieu du plus profond silence, retentit le commandant. « Bâbord, mouillez !» Un choc énorme, une gerbe d'écume, un grondement féroce de chêne y répondent. Puis de nouveau, un grand silence. Le Natal est immobile. Il est 8h15. À minuit, je fais cette réflexion amère que je quitterai demain le Natal sans avoir une seule fois gagné la fameuse poule. En revanche, on m'a décerné le prix de mal de mer. Oh, sainte chance! Quando te aspiciam. Fin du chapitre 1.